Pas un point de clic, excuse. Un Hidden Object Game. C'est un jeu poche de Hidden Object Game parce que moi j'aime ça parce que je suis Kitten. Mais là, il y avait comme une petite section Picross dedans. Fait que genre, je vais l'acheter puis jouer. Mais tu sais, c'est des jeux vraiment de mauvaise qualité et tout. Mais là, ils disent, vu que t'as joué à ça, voici, on te propose Gang Beast. Pardon? Gang Beast? Il est où le lien là? C'est l'affaire que les bonhommes Angelo qui se tapochent dessus. C'est les on dirait des gummy bears là, puis c'est un fighting game à 4, genre. Ça pourrait pas être plus loin là. Ça a aucun rapport. C'est bien drôle parce que là, il y en a plusieurs qui font quand même du sens, dans le genre, ben du sens. Ils disent, vous avez joué à un casual game, voici plein de casual games. C'est tous des jeux qui ont aucun espèce de rapport. Puis, ils sont tagués en dessous de casual game. Je comprends c'était quoi l'idée. Tu aimes les mots croisés. As-tu essayé Super Smash Bros? Nous sommes le date 12 janvier 2017. Vous écoutez l'émission 147 de Nom du podcast. On a juste une vie. C'était notre amorce. Wow! Bienvenue en 2017. Je suis Narf. Avec moi ce soir, il y a Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Hello Narf. Et Blob est occupé. En train de se faire driller dans les dents. Alors, on va lui suggérer de jouer à Drill Dozer sur la chaise du dentiste pour passer le temps. Mais c'est peut-être pas une bonne idée parce que c'est un jeu un peu comme... Faut que tu sois précis pis tight. Fait que s'il crispe les muscles au mauvais moment, le dentiste pourrait trouver ça alarmant. Mais j'imagine que pour Blob, c'est une bonne idée de... d'éloigner son cerveau des drills du dentiste et de se concentrer sur des drills virtuels. Tu peux-tu vraiment jouer à ton téléphone quand t'es sur la chaise du dentiste? Bon, Drill Dozer, c'est un jeu de Game Boy Advance, premièrement. Oh! Mais quand même, tu sais, faudrait que tu sois comme ça, puis ça serait des jambes du dentiste, tes bras, non? Moi, j'ai déjà eu... Je sais plus quelle opération que j'ai eu. Probablement mes dents de sagesse. Il y avait la télé oh, devant oui. Moi, j'avais des lunettes de soleil, puis des écouteurs pour écouter la télé, puis je pouvais changer de poste, j'avais la télécommande. Puis la télé était suspendue comme au plafond, pour que je la voie coucher, évidemment. Ben c'est bien chouette ça. Fait que je me suis trouvé un poste de truc relaxant. Ou c'était-tu juste de la musique? Mais oui, tout le temps la radio. D'habitude, j'essaie de focusser là-dessus. Aussi. Mais là, on n'est pas là pour parler de dentiste. Et on pense à Blob. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Là, c'est supposé. Tu sais, ça aurait été concept début janvier, même si c'est notre deuxième émission de janvier. Bon, la première, à chaque année, on oublie. La deuxième, ouais, on se dit, ah oui, c'est vrai, on a oublié la rétrospective, on va la faire. L'année passée, même affaire, la première émission de janvier n'avait pas rapport, puis la deuxième, c'est genre la rétrospective pour vrai. Et là, cette année, on avait encore oublié la semaine passée. Puis là, cette semaine, ben Blob, il n'est pas là. Donc là, on a été fin. Et on repousse la rétrospective 2016 à la semaine prochaine. Même si on était prêt. On était prêt. Le pire, oui, c'est qu'on était prêt. Full prêt. Moi, je suis resté tard à job parce hier soir parce que je travaillais sur le podcast. Fait que t'sais, j'aurais pu travailler chez nous, mais j'étais à job. Ça a donné de même. Fait que je suis parti tard de la job hier pour finir de préparer. J'ai mis des efforts et de l'énergie. Chose que je ne fais jamais. Préparer le podcast. Oui, c'est ça. Voyons donc qui la fait journée ça. Même. Je me mets peut-être 2-3 notes, mais en 5 minutes, c'est fait. Là, l'émission de revue de l'année, il faut la préparer. Et c'était fait! Mais Blob n'est pas là. Alors, on est fin, on est gentil, et on repousse ça à la semaine prochaine. Donc, ne manquez surtout pas l'émission de la semaine prochaine. Mm-hmm. Jeudi soir prochain, en live ou en podcast après ça. Mais moi, ça me fait du bien de plus pour genre faire le ménage dans mes jeux de l'année. Moi, j'étais. Moi, non, moi, j'avais tout fait, là. Moi, toute ma. Ah ouais. Ma liste de jeux de l'année est faite. Ma liste de. J'avais écouté l'émission de, la, de l'année passée pour voir c'était quoi nos prédictions foireuses pour 2016. Pour voir si on avait tort ou raison. Et j'ai écrit mes prédictions pour 2017. J'en ai même surprenamment beaucoup. Faut croire que j'avais des choses Ah. à dire. Je les ai cachés sur la feuille de route. C'est ça les Oui, gros trucs noirs que tu ne peux regardé. Pas lire. C'est des Ah! surprises. Je peux pas les lire même si je scrolle dessus. Ben, tu peux mouse over, puis oui, ils vont apparaître, Oui, mais c'est fais ça, pas ça. ok. Ben non, c'est ça. Anne-Marie, ne triche pas. Là, paraît que ce soir, il y a un. À 11h de la nuit. Il y a un stream de Nintendo qui vont annoncer des affaires. On sait-tu quoi que ce soit? Ils ont-tu dit de quoi qu'ils allaient C'est ça, la parler? Switch. Ils annoncent la Switch officiellement, ils nous la montrent. On devrait avoir là, comme les specs, peut-être. C'est vraiment sur la Switch, c'est sûr, rien d'autre. Ben, ils n'ont pas dit encore s'ils présentaient des jeux. Ils n'ont pas teasé rien par le fait que c'est une présentation sur la Switch. Moi, si Ça fait j'étais même au moins eux. un mois là, que c'est prévu, là, que comme le 12 Oh. janvier, présentation sur la Switch. Parce que toute l'année passée, ils ont dit arrêtez de nous demander, on vous en parlera pas avant janvier. Wow. Parce que tout le monde n'arrêtait pas d'y harceler. On a-tu, y a-tu une date de sortie, là? Non. C'est ça qu'ils Mais vont là, on devrait annoncer. l'avoir, ouais, c'est ça. Mais on sait que c'est supposé être comme mars. Fait qu'ils vont annoncer une console. Avec des jeux, j'espère, parce que s'ils sont pour Ben, en parler pendant une demi-heure. celui qu'on connaît le plus, c'est Zelda Breath of the Wild, mais lui non plus, on sait pas c'est quand la date de sortie. Puis il y a comme des rumeurs qui seraient pas prêts en même temps que la Switch. Donc, même si au début, ils voulaient que ce soit un jeu de sortie en même temps que la Switch, mais il y a des rumeurs qui seraient pas prêts. Fait que. On Fait qu'il n'y aura verra. pas eu de. Attends une minute, là. Y a-tu eu un Zelda sur la. Ah oui, il y a eu Zelda sur la Wii. Ben, il y a eu Attends. Twilight Princess sur la Wii, mais sur la Wii U. Non, Twilight Princess, il était Twilight sur Princess, c'était GameCube un Wii. hybride GameCube Wii. Ouais. Après ça, il y a eu l'autre là, avec les oiseaux que j'ai pas joué. Ben, il y a eu Wind Waker, qui est un remake. Oui, mais non, mais il y a eu l'autre là. Il y en a eu un vrai jeu de Avec Wii. les oiseaux. Oui, là, avec l'épée qui parle. Mais oui, Anne-Marie, là. Le jeu que j'ai pas joué parce que le UI et l'ergonomie étaient tellement gossantes. Ben voyons donc, je sais pas de quoi. Un Wii U, il y a eu un Zelda sur la Skyward Wii U. Sword. Ah non, mais ça c'est un jeu de Wii. Ouais. Ok, Fait qu'il mais y a eu mettons sur la Wii U. un Zelda officiel sur la Wii parce que Twilight Princess c'était un jeu de GameCube. Ok, ok, je pensais que tu demandais la Wii U parce que pour vrai, je pense La qu'il y en a Wii eu U, sur la il n'y en a Wii. pas eu. Ouais, ok. Je pense. Ce qui est quand même un peu pas. Mais il y a eu des remakes. Ce qui est. La 3DS dans cette période-là, peut-être, ils ont eu Link Between Worlds. Ah ouais, ça c'était bon ça. Mais je pense que c'est quasiment le Paraît-il, dernier. car je ne l'ai pas joué. Mais j'aimerais bien. Je pense que c'est le dernier comme nouveau qui n'est pas un remake de rien, genre. Bon. Ça se peut-tu? Bref, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à part qu'ils vont faire un stream Ben à oui. soir, on ne sait rien. Fait qu'on Ben, peut le stream est sur la spéculer. Switch. Oui, c'est sur la Switch, mais on peut spéculer, mais. Ils vont montrer des jeux. Ils vont J'espère. montrer la console. Garanti qu'ils vont pas parler de spec. Toi, tu penses qu'ils vont parler de spec. Ouais, non, t'as Nintendo parleront raison. pas de spec. Ils parlent jamais de spec, ouais. Ils vont rien dire. Ils vont. Mais ils vont peut-être donner un prix. C'est plus ça, je veux dire, donner Ils un vont prix ou peut-être donner donner un prix. une date de sortie. Je dirais qu'il y a 50-50 chances qu'ils le donnent pas. Tu penses? Moi, je pense pas parce que y a des. Genre, EB Games commence à dire que, by the way, les pre-orders vont ouvrir tout de suite après l'annonce. Bon, peut-être. Ça fait une semaine qu'ils sont comme, genre, ben, sur la page de EB Games, il y a genre l'annonce pour la conférence de ce soir, genre. Bon. Genre, en tout cas, stay tuned. Fait que, je pense que les pre-orders vont commencer tout de suite après. Fait que, puisqu'on peut pas parler de tout ça vraiment, on a-tu des choses à dire? Parce que là, moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment préparé l'émission de revue de l'année, puis heureusement, parce que sinon, j'aurais pas eu grand-chose à dire. Mais finalement, j'ai fait ma liste, puis j'en ai quand même. J'ai joué à des affaires. T'as joué à des affaires. Parce que là, je vois des affaires de la semaine passée, là, le CES avec Razer puis leur laptop à 3 écrans. On avait-tu parlé ça? On a en masse parlé la semaine passée. On s'est en masse moqué de cette chose. Ben, moi, j'ai des jeux qui sont sur mon backlog depuis super longtemps. Ou sinon, il y a une affaire que j'ai vue dans la revue de l'année passée que je me disais qu'on pourrait juste parler aujourd'hui pour essayer de se faire moins de stock la semaine prochaine. J'ai trouvé ça bien ironique parce que t'as dit l'année passée que t'avais toujours pas joué à Chrono Trigger puis que peut-être que 2016 serait l'année où tu jouerais à Chrono Trigger. Finalement, je n'ai pas joué à Chrono Trigger en 2016. Mais toi, oui. Oui, c'est ça. J'ai pas bien le temps d'en parler à date. Mais c'est pour ça que je me rappelais plus que t'avais dit ça. Genre, fait que je trouvais ça bien ironique que t'avais toujours pas joué. Mais moi, j'ai joué à Chrono Trigger. Moi, je dis des niaiseries dans le podcast, puis le podcast est fini, je les oublie. Après ça, j'écoute le montage, puis je fais comme, ouais, que j'ai dit ça. Puis là, après ça, je finis le montage, je le mets sur YouTube, puis iTunes, puis là, je l'oublie. Fait que, du bon travail professionnel. Ah oui. Mais j'ai pas fini. J'ai avancé pas mal Chrono Trigger pendant les vacances, mais c'est quand même un bon jeu. Puis la dernière grosse erreur que j'ai faite, là, c'est qu'une chance que j'ai mon chum qui connaît le jeu à côté de moi pour me dire genre « Ah ouais, by the way, t'étais pas supposé être là. » Parce que, bon, dit que le jeu est pas bon pour te dire genre « By the way, c'est pas là qu'il faut que t'ailles. » T'as toute la liberté du monde d'aller partout dans toutes les époques du temps, mais la quest est juste à un endroit, pis t'as rien, t'sais, t'as pas de journal qui dit genre « By the way, t'es rendu à cette étape-là, t'sais, faut que tu fasses ça, là. » Fait que, ben, j'ai réussi à me retrouver devant le boss final. Puis là, tu t'es fait planter? Oui. Là, je suis comme, ben là, je suis pas supposée être ici, moi. C'est bon, là. C'est comme, c'est une expérience. Ouais. Je sais pas, tu sais, mais... C'est une vraie... C'est que ça pardonne pas, tu sais. Ben, c'est le Dark Souls de 1996. Peut-être. Mais c'est que ça paraît un peu que c'est un jeu de cette époque-là, parce qu'il dit tellement pas t'es rendu où, là. C'est vraiment dur. J'ai exploré toute une époque au grand complet à un moment donné, puis je trouvais pas où elle allait. Mais où est-ce qu'il fallait que j'aille? Mais j'étais juste pas à la bonne époque, puis il y avait quelque chose que j'avais oublié de faire ailleurs, tu sais. Fait que j'ai perdu tout mon temps à, genre, clairer toutes les ondes de tous leurs monstres, puis fouiller tous les petits raccoins de toute une époque dans le temps, quand j'avais pas d'affaires, en fait, puis il a juste fallu que je revienne plus tard, puis les monstres, ils respawnent. Fait que, au moins, j'ai levelé. Imagine jouer à Skyrim sans le quest log et les pointeurs sur la map. Ça serait fou raide, ça serait super dur. Mais ben, je sais pas si ça serait si dur que ça, parce que dans Skyrim, il y a tellement de choses à faire qu'à chaque endroit où tu vas, t'as quelque chose à faire. Que là, tu veux juste changer de ville, faire ce que tu peux faire. Puis changer de ville, faire ce que tu peux. Tu sais, je pense que ça va tout le temps être occupé pareil. Mais t'as allé dans des places puis t'as tué tous les monstres puis t'as pogné du loot. Pas tant, ben un peu, mais... Mais c'est parce que t'arrives à une place pis t'as vraiment l'impression que, genre, ça culmine vers le sommet de la montagne pis qu'il devrait vraiment avoir quelque chose, genre un PNJ qui t'attend quelque chose, pis là, il y a vraiment juste rien. Tu te dis, j'ai-tu grimpé tout ça pour rien, voilà? Il va être... Tu n'étais juste pas à la bonne époque. C'est une affaire de voyage dans le temps, là. Ben oui, mais il te laisse lousse pour aller où tu veux. Si t'étais un vrai voyageur dans le temps, Anne-Marie, ce serait ça ton expérience tout le temps. T'es comme, ah oui, j'avais rendez-vous à telle place, à tel moment, tu y vas, puis là tu fais, y a personne, je me suis probablement trompé de date. Tu as donc expérimenté ce que Doctor Who fait tout le temps, puis que nous on trouve si drôle, c'est-à-dire des incongruités temporelles. J'ai jamais écouté Doctor Who, pour vrai, je sais pas. Ça arrive de temps en temps. Okay. Ils font des jokes du genre. Mais c'est pas que c'est à la bonne date, c'est juste que l'événement avait comme pas starté, genre. C'est dodo. Enfin, mais bref, tout ça pour dire que j'ai joué à Chrono Trigger, je me suis ramassé devant le dernier boss, puis j'ai quand même toffé un bout de temps, là. Mais mon Dieu, c'est pas facile. Dans le fond, il y a comme toutes les mécaniques de tous les boss du jeu qui fait l'une après l'autre, là. Fait que j'ai été capable de faire tout ça que j'avais déjà vu. Puis là, quand je suis arrivé à des mécaniques de boss que j'avais pas encore passé moi-même, mais je me suis fait ramasser. Ah, intéressant. Fait que les autres boss, c'est comme du training pour l'ultime boss. Mais faut que tu t'en rappelles, Fianor, titi les boss. Faut que tu t'en rappelles qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses, là. Mais c'est bon, c'est de la révision. Ouais, genre, on dirait que c'est un examen final. Chaque boss est un entraînement, en fait. Ouais. C'est... J'aime pas que ça te fait un exercice, puis là, tu fais l'examen final. Mais c'est le fun, à date, je trouve ça le fun, l'histoire est cute. Je joue la version comme remaster un petit peu sur DS. Fait que j'ai des cinématiques de temps en temps. J'ai eu toute l'histoire de Frog, qui est super cute. C'est un bon jeu à date, ça a vraiment l'air. Tu sais, je comprends pourquoi c'est culte, là. J'ai pas fini encore, là, mais je comprends pourquoi Chrono Trigger c'est culte. Là. Tout le monde est Et attachant. encore une fois, je ne peux partager cette expérience. Mais oui, mais joue! Mais je suis trop occupé, Anne-Marie. Mais moi aussi, c'est ça qui arrive. Je suis tellement occupé, là. T'as pas idée. À jouer C'est à dur de jouer dans Pokémon les Vieux jeux. Monsieur. Ah, fait que là, t'as des nouvelles sur Pokémon Vieux Monsieur. J'en reviens pas, j'en reviens pas. Tu dis, oh, il y a du nouveau, ben voyons donc. Ce jeu, Anne-Marie, ce jeu. Je l'ai même pas joué. Je l'ai C'est installé, puis j'ai juste vu jouer, puis j'y ai même pas touché. le cadeau qui continue de donner. Tu sais, les abonnements à des Accepté. magazines, ils disent tout le temps ça. C'est le Ah cadeau qui oui, continue de donner 12 mois par année. oui. Abonne-la à Ricardo. C'est vrai qu'ils disent ça. Abonne-la au magazine Scientific America. Whatever. Et là, c'est pas un cadeau, c'est 12 cadeaux. Wow. À chaque année, à chaque jour de l'année, un nouveau cadeau. Pokémon Vieux Monsieur Anne-Marie. Oui. De son vrai nom, comment ça s'appelait déjà? Pokémon. Ojimon? Ojisan Monster? Ouais. Continue de donner, jour après jour. C'est même pas Fou croyable. raide. J'avais. T'sais, ça fait depuis que je suis niveau 21 dans ma ville, que ma ville est niveau 21, que là, ils me teasent qu'il y avait comme une espèce de squelette pas un squelette, mais Oui, un. Comment comme on une appelle ça? histoire. Comment on appelle ça? Un Un site nécromancien? archéologique, un fossile Un fossile, ok, oui. de Aerodactyl Ah! dans la mine où mes Pokémon vieux monsieur sont tous en train de creuser. Il y Ah, avait comme ils vont cette espèce chercher le de vrai lore. site archéologique et là, il y a cette espèce de fossile. Et là, ça fait depuis que j'étais niveau 21 qu'il me montrait ça, mais le monsieur, le bonhomme archéologue Pikachu vieux monsieur me disait blablabla, je comprends rien, c'est en japonais, level 25. C'est comme, ah, ok, level 25. Alors, avant-hier soir, je suis monté niveau Oh, 25. Et là, il y a trois spots bleus sur le fossile. Quand je clique dessus, il me demande de mettre des affaires dedans. Je savais pas trop c'était quoi. J'en ai pogné des fois random en pognant des Pokémon. C'est comme des canettes de bière, mais c'est pas clair. Puis là, tu les mets sur les spots du fossile, puis ça n'en prend genre 400. Puis je sais pas c'est quoi, puis je mais t'as sais pas que donné. ça va faire, mais j'ai Ça hâte de ressemble à une voir. canette. Il y a sûrement des choses qui ressemblent à des canettes dans le monde de Pokémon, là, genre une canette de Coke ou. Non, je pense que c'est de la bière de vieux monsieur. C'est Mais une voyons joke. donc. C'est une joke de Ah, une joke de japonais, vieux monsieur. vieux monsieur, là. C'est de la bière de vieux monsieur. C'est comme. J'imagine que ça doit être comme de la Coors Light Ah, mais version. japonaise. Ouais, L'équivalent. ok. Ça va être drôle. De la Labatt 50 de Ouais, c'est Pokémon ça. Vieux Monsieur. Je sais pas, mais c'est là. Puis Pour après ça, ressusciter, c'est facile. dans ma mine, là, maintenant, je peux scroller la caméra à droite bien plus aussi. Puis il y a l'air d'avoir d'autres affaires. Puis là, est-ce que ça va juste être des places pour mettre plus de Pokémon dans ma mine? Peut-être. Vont sortir Mais les autres générations de Pokémon? Là, t'avais juste la première. je sais pas. À date, je suis juste la première. Là, je suis rendu à Meowth. Hein? OK. J'ai eu des Paras, j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des Zubats. Étrangement, les Zubats sont arrivés tard. J'ai mon Kangaskhan vraiment laid, j'ai mon Hitmonlee puis mon Hitmonchan. Ils sont tous vraiment laids. Il y a mon Venomoth qui a évolué. Venonat qui Venonat qui évolue évolue en Venomoth. Ah, ça doit pas être très beau, un Venomoth vieux monsieur. Et bizarrement, il devient comme trois papillons. Mon Diglett est devenu un Dog Trio. Ils ont l'air comme habillés en inspecteur de police ou gardien de... ou l'armée russe ou quelque chose comme ça. Là. C'est... Ils ont comme un badge. Il doit y avoir un jeu de mots que je comprends pas. Ouais, peut-être, ouais. Mon comment il s'appelle le petit renard avec du feu? Growlite? Vulpix? Vulpix a évolué ouais. En Ninetales, mais il y a comme des espèces d'âmes qui flottent autour. Ouais, comme... mais le serpent à neuf queues, c'est comme un esprit, hein? Mais là, c'est un renard à neuf queues. Oui, ouais, je dis serpent. Oui, le renard tu veux à neuf queues. C'est-à-dire Naruto? Comme... Ben, genre, là, mais tu sais, c'est comme une créature mythique, là. Ouais. Peut-être qu'il y a des esprits. Fait que là, il y a ça. Anne-Marie, je ne comprends pas. Ce jeu! Mais si ce jeu n'était pas en japonais, peut-être que tu comprendrais mieux, non? Peut-être que je comprendrais mieux, mais... C'est déjà en japonais! C'est que je sais pas jusqu'où ça va aller. Genre, ça a de l'air... C'est le jeu qui a de l'air d'une marde. Puis que constamment, tu fais comme... Ben voyons donc! Ça continue! Ben voyons mais... donc! Il y a encore d'autres affaires! J'en reviens pas que j'ai une espèce de... histoire parce qu'ils ont repris la thématique des fossiles pis tout. C'est vraiment pas. Cool. Je sais pas que ça va être. À date, je verse de la bière. Je verse des canettes de bière sur des fossiles pis il va falloir que j'en verse en mot, t'as dit. Tu sais, je n'ai pogné deux à date, ça m'en prend genre. Il y a trois spots, c'est à peu près 200 par spot. C'est une expérience, Anne-Marie. Ce jeu est une expérience. Alors, je vais continuer en tant que journaliste sérieux pour On a juste une vie. Je vais continuer d'investiguer ce jeu pour que vous n'ayez pas à le faire, vous. Même si, honnêtement, je vous encourage parce que c'est définitivement une expérience. C'est comme... Ouais. C'est une expérience visuelle. C'est auditif. Sensoriel. Ah ouais, c'est auditif aussi. Ah ben oui, quand tu pisses les Pokéballs sur les vieux messieurs, ils font comme genre... comme s'ils venaient de se réveiller, puis ils sont comme... Ah ouais, OK, c'était surprenant, là. Ils t'apprêtent à faire leur petite sieste. C'était le vieux monsieur, il est en train de dormir, puis là, tu viens de le réveiller. En plus, je me vois dans la webcam en train de faire cette espèce de face. Face de vieux monsieur. C'est comme la peau sur le bord de la bouche qui commence à tomber, là. C'est ça. Face de vieux monsieur. Non, mais ils ont les petits yeux plissés, là. Tu vois pas vraiment... Mais parce qu'en plus, c'est des vieux monsieur japonais, là. C'est encore pire. Ouais, puis ils ont toutes leurs bêtes. Mais ils ont des corps de Pikachu. Oui, comme tous les personnages principaux, c'est tous des bonhommes... C'est tous des Pikachu vieux monsieur déguisés en garde de sécurité, en madame qui cogne sur un chaudron, en archéologue, en bonhomme de construction, en architecte. C'est parfait. Alors, si vous voulez jouer à ça, chercher dans le App Store, c'est difficile. C'est compliqué, hein, oui. Je suis à Google, vous cherchez Ojimon, ou, je sais pas moi, Old Man Pokémon, peut-être. Ouais, parce que ça marchait pas, Jimon. En tout cas, sur l'App Store des iPhones, ça marchait pas. Non, t'es mieux de passer par Google qui va t'amener sur le site officiel ou sur genre Kotaku. Ouais, puis là, tu vas avoir un lien. Là, tu vas avoir le lien Android et le lien iOS. Mm. Moi, je joue encore à Alcademy. Le petit jeu où est-ce que tu fais de l'alchimie avec un chat. Alcat? Non, c'est Alcha. Alchademy, ouais. Alchademy. Ouais. Ben, c'est pas juste des chats, c'est des petits bonhommes, là, mais il faut que tu mélanges deux ingrédients ensemble, t'attends une heure plus tard voir si ça t'a fait un nouvel ingrédient. Là. C'est super, super relax. J'ai fini cette semaine. En plus, on a parlé dans la rétro de 2015 que je commençais à être accro à Hungry Cat Picross. Cette semaine, j'ai terminé. J'avais déjà terminé tous les tableaux de base du jeu, mais ils ont comme une archive parce qu'ils sortent un tableau hebdomadaire qui est en fait 9 cases que tu fais le dessin, plus ça devient un gros dessin. Mm-hmm. Donc, ils ont tous les tableaux hebdomadaires de 2014 et 2015. Et là, je les ai toutes finies. Bientôt, ils vont sortir l'archive 2016. J'imagine, mais là, j'avais joué déjà, fait que probablement que la plupart, je les ai déjà faites. Fait que j'ai comme vraiment fini tout ce que le jeu a à m'offrir. Là. Je peux pas en faire tant que j'attends pas la semaine d'après pour avoir le nouveau tableau hebdomadaire. Mais ça prend d'aller puis tu payes ou t'as non. joué complètement gratuit? Ah, c'est complètement gratuit, mais il y a une pub qui pop à chaque fois que je termine un tableau, mettons. C'est tout. Mon Dieu, ils se financent quand même pas juste avec cette petite pub-là qui rapporte rien. Des fois, je clique par inadvertance. Ouais, mais ça rapporte rien, ces pubs-là. Là. Mais non, mais c'est, je si sais tu pas me disais que, genre, si tu me disais qu'il fallait que tu regardes une vidéo pour débloquer le suivant... Même pas. J'avoue, même... Je sais pas comment ils font. Parce qu'une vidéo, c'est à peu tout près une scène que ça rapporte au diffuseur de la pub. Ouais, genre, si moi, mettons, je mettrais des vidéo ads dans mon jeu, le type que le joueur doit les activer lui-même pour recevoir une récompense, le développeur... Mais il n'y a pas de système de récompense. Ça, ben... ça serait comme pour accéder à d'autres niveaux, là, mais il n'y a comme pas de currency que tu veux avoir. Il y a comme un truc qui donne des indices, mais genre, moi, je m'en sers pas, c'est pas assez dur. Puis j'aime ça, être capable de régler le tableau moi-même, fait que je me sers juste pas du système d'indices. Fait que... Ouais, non. C'est comme les mots croisés dans le journal. C'est gratuit, mais non, le journal, tu le payes. Ouais, le journal, tu le payes. C'est comme les mots croisés dans le journal 24... Métro. Ouais, ouais, mettons. Dans un journal gratuit. Ouais. Mais en tout cas. Faut que quelqu'un le fasse, là. Bon, j'imagine qu'il peut en faire peut-être, il doit être capable d'en faire un bon paquet dans une journée. Je sais pas comment c'est généré. Tu sais, c'est comme les sudoku. Ça doit être un algorithme à quelque chose, mais non, tu génères ça. Il y avait dans Picross ODS, tu pouvais en faire toi-même. C'était facile. Ouais. Tu faisais juste dessiner quelque chose, puis pouf, ça faisait un dessin. Après ça, il y avait des. T'sais, moi qui n'étais pas très bon, je les faisais, puis ils étaient souvent beaucoup trop faciles. Fait qu'après ça, ouais, mais c'est ça. Mais c'est instantané. Ça va être équilibré. Il te met les chiffres instantanés, puis pouf. Fait que après ça, c'est à toi de. J'imagine que en 10-15 minutes, t'as fait le dessin, puis là, tu le tweaks un peu pour qu'il soit un bon défi, puis. Ouais, c'est ça. Faut-tu le tweak pour qu'il soit un bon défi, là? Parce que sinon, c'est plate. Mais tu veux pas que ce soit impossible aussi? Je sais pas si ça serait possible, soit impossible. Si tu l'as fait trop compliqué. Tu sais, s'il y a comme deux possibilités à un moment donné sur une ligne. Moi, ça m'a tout le temps fasciné, les gens qui font des mots croisés. Je sais pas comment ils font. Ben, les mots croisés, t'as des indices. Oui, mais je veux dire, tout ça. Ouais, les mots croisés, il y a des cases. Ceux qui les créent. Ceux qui les créent, puis ceux qui n'ont pas de cases noires, là. Ben, c'est ceux qui n'ont pas de cases noires, c'est facile. C'est des mots qui prend toute la ligne. Fait que c'est toujours des mots de genre 8 lettres. Non, mettons le mot mystère, que c'est juste que des lettres, puis les lettres que tu n'auras pas mis dans un mot à la fin, ils forment un mot, puis c'est lui qu'il faut que tu découvres. Ah, oh, des mots cachés? Oui. Ben là, ça, c'est... Je sais pas, hein? Ça doit être difficile de le faire. Genre de le créer. Faut que t'aimes ça, tourner des mots dans tous les sens pour essayer de le plugger. Mais à faire, il doit avoir des ordis qui créent ça. Genre, les gens doivent plus faire ça à mi-terme. Je sais pas. Hungry Cat Picross, on a un fan de Hungry Cat Picross dans le chat. Yay! Ben oui. C'est pas une drôle fun. Mais c'est parce que Picross, c'est bien, mais t'as deux couleurs. T'sais, soit t'as noir ou blanc. Soit t'as un carré, soit t'as pas de carré. Mais Hungry Cat Picross, t'as quatre couleurs, tu fais vraiment des dessins. C'est malade. Moi, il y avait un jeu que j'aimais beaucoup sur DS aussi. Ça, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'était des espèces de puzzles. Y a-t-il les 3D? Non, c'était pas 3D. C'était un peu comme des Picross, mais avec des couleurs. Il y avait comme trois couleurs. Puis je me souviens plus exactement comment ça marchait, mais j'aimais beaucoup ça. Puis ça, ben, écoute, tu pouvais prendre une photo. Puis là, il te la pixelisait. Ah! Il générait le puzzle avec ça. Fait que ça faisait comme dans le jeu, parce que dans le jeu, ce que tu faisais, c'était que tu tu résolvais le puzzle, tu mettais toutes les couleurs, puis là, ça faisait une photo. Ça te donnait une image très pixelisée, puis là, elle devenait de plus en plus nette. C'était une petite animation, puis là, ça faisait pou pou pou, puis là, ça devenait une photo de la Terre, ou ça devenait whatever. Mais là, comme moi, j'avais le DSi qui avait une caméra dessus, je pouvais prendre une photo, puis là, ça la pixelisait pour faire une grille. Ah, j'aimerais sûrement ça. Ouais, je pense qu'on est vraiment une fan de... Oui. Dans le chat. 320 tableaux. C'est un par jour pendant un an. Ah, oh, c'est moi qui te l'ai fait découvrir. Cool. C'est donc bien le fun. Je sais pas comment. En plus, mon chum puis moi, on s'ostinait tantôt. Hier, il m'a dit que c'est lui qui m'a fait découvrir Picross. Mais je me rappelle pas. Je sais pas comment je suis tombée là-dessus. C'est pas lui qui m'a fait découvrir Hungry Cat Picross, puis c'est avec ça que j'ai commencé à devenir vraiment trop accro. C'était pas nous? C'était pas genre Blob qui parlait de Picross 3D, puis là j'avais dit genre, ouais. Ah oui, il y a des applications de Picross gratuites sur le App Store. Ouais, ouais, c'est moi, je pense. Peut-être. Mais Picross 3D, j'en ai-tu déjà parlé? Parce que je joue là, à cette heure, je l'ai mis sur ma DS, puis c'est vrai que c'est le fun. J'ai vu qu'il apparaît dans la rétro que tu fais vraiment le bonhomme en 3D, puis après ça, il bouge, puis tout. Il vient à la vie. Là. Il devient vivant. Oui, c'est ça. Il est vivant. C'est super le fun. Et il sent vivant. N'importe quelle niaiserie que tu fais, là. Je veux dire, tu fais un ping, puis quand t'as fini, il va être vivant. Il va sauter partout, juste pour que, genre, ah, t'as fait un objet. Mais c'est super différent en 3D. C'est vraiment intéressant aussi. Là. Puis, il y en a un nouveau, d'ailleurs, qui est sorti sur la 3DS cette année. Puis quand j'ai vu qu'il était à comme 40-50$, là, je l'ai comme pas acheté. Mais... autant que je pense là-dessus... Ouais, autant que je pense là-dessus, ça serait peut-être quand même un bon investissement. Je trouve ça tellement drôle que Hungry Cat puis Crush t'a mis autant d'heures là-dedans, puis... Mais c'est parce que c'est pour vrai, c'est sur mon téléphone, puis t'as pas de temps. D'argent. C'est triste. Okay. Ils vendent pas genre des level packs? Genre, non. Paye 10$ pis t'obtiens 20 levels? Non. T'as juste tout le contenu disponible. Ben, ils ont fait une update récemment, il y a une couple de petits niveaux de plus, mais c'est ça, là, je les ai toutes clenchées. Ah, je pourrais acheter la version sans pub. Mais combien la version sans pub? J'ai même pas remarqué, j'endure la pub, parce que ça me dérange pas vraiment. Hey, 2,79. J'avoue que je leur dois bien ça. Quand il faut chercher pour payer dans un jeu. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Tantôt, je faisais des jokes. Je disais que je pouvais pas jouer à Chrono Trigger parce que j'étais trop occupé et que j'avais pas le temps en jouant à Pokémon Vieux Monsieur. Mais en ouais, fait, si t'enlevais toutes tes heures de Pokémon Vieux Monsieur pour les mettre là-dessus, t'aurais le temps. Il n'y en avait pas, ben, y en a pas tant que ça. Là. Une session de jeu de Pokémon Vieux Monsieur, c'est à peu près 30 secondes, on s'entend. Ah, okay. Mais non, la véritable raison dans les deux dernières semaines, tu sais, j'ai parlé de Civ la semaine passée. Oui, vous jouez encore. Civilisation avec ma petite sœur. Mais là, on a commencé une nouvelle game. Tu sais, on l'a. Pour perpétuer la tradition des games multiplayer jamais terminés de Civilisation, nous avons pas terminé la game avec ma petite sœur et on en a commencé une nouvelle avec mon frère puis ma sœur. J'ai tout le temps ça. Et là, on est en train de jouer. Fait qu'on, on a mis trois civilisations AI en plus pour en avoir. Et au lieu de jouer sur le territoire du Japon, on joue sur le territoire du monde. Oh. On est dans le monde, le vrai de vrai monde. Et c'est très drôle parce qu'au début, tu sais pas t'es où, parce que t'es tellement zoomé puis t'as tellement de fog of war que t'es comme, ah, je sais pas vraiment je suis où, mais OK. Puis t'as ma sœur qui disait genre, ah, je pense que je suis à l'Italie, là, je reconnais la botte de l'Italie. Ah non, je suis en Amérique. Ouais, je suis vraiment en Amérique. Là, ça, c'est Québec. Là. OK, là, je sais je suis où. Ah non, je suis... Non. Finalement, elle était genre en Russie ou je sais pas quoi, là. Ah ouais. Mais là, elle est en Chine. En fait, elle est à peu près en Chine. Parce que on a dézoomé, on est pas mal en Chine. Peut-être au Vietnam, mettons. Mais elle joue les Américains. Alors, Évidemment. Washington est genre en Russie. Mais elle les a tous renommés. Alors, ce n'est pas Washington, mais bien Soup Washington. Oh! Oh! Et bon. Pendant ce temps, je suis le... Quelle civilisation que j'ai? Ah, j'ai Bluetooth. J'ai Bluetooth. C'est genre Harold Bluetooth, c'est un Danois. Le Danemark. Oui, ça se comme peut, une espèce de viking, dans le fond. Il est cool. Et je savais pas trop j'étais où. Et là, maintenant, j'ai trouvé. Ma capitale est au Manitoba. Oh! Les Danois au Manitoba. Et là où il y a le Québec, il y a une city-state qui s'appelle Tyr, T-Y-R-E. Alors, c'est bien drôle. Le Québec City est dans la game. Où est-ce qu'il y a l'Espagne à peu près. Fait que Québec est en Espagne. C'est-tu les Américains ou l'Angleterre? Ou... Québec City, c'est une city-state. Ah! T'es-tu sérieux? Oui. Sylves sont assez ouverts d'esprit niveau politique. C'est bien cool. Hein, car le Québec a atteint son indépendance dans Civilization. Comme dans Shadowrun. Et... Oui, je pense, oui. Oui. Fait que ça, c'était pas mal drôle. Sinon, quoi dire d'autre? Outre que j'ai presque entièrement conquis toute l'Amérique du Nord, sauf justement là où il y a le Québec, là, il y a Tyr. Il y avait les Celtes étaient là en bas, là, mais je les ai toutes pétées. Ça, c'était drôle parce que. En bas du Manitoba. En bas du Manitoba, ouais, il était plus comme où est-ce qu'il y a la Floride, mettons. OK. Fait que les Celtes avaient une capitale en Floride, puis à un moment donné, j'ai fait « Bon, là, vous êtes un peu trop facile à aller chercher. » J'ai juste fait deux, trois catapultes de plus, puis j'étais allé pogner ça. Puis là, c'est drôle, hein, parce que là, ils sont comme « Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, on veut pas perdre. » Fait que là, ils partent un petit settler, puis là, ils sont allés, genre, en Amérique centrale. Puis là, ils ont dompé une colonie, là. Puis là, j'étais comme « Bon, OK, là, je vais arrêter la guerre avec vous. » Sauf que là, récemment, j'avais besoin de place, puis j'avais besoin d'une ville côtière sur le côté est. Fait que j'ai fait, bon, voilà, les Celtes, c'est fini pour vous. Et là, j'ai capturé la ville. Ou en tout cas, je m'apprête à le faire, là, mais là, il était rendu très tard et on a arrêté. C'est-tu la semaine passée que je parlais de Baba Yetou, la chanson? Qu'on cherchait un mode pour mettre la toune de Civ 4 dans le jeu? Non. Non? Parce qu'on a cherché à mettre la chanson de Civ 4 dans le jeu, dans Civ 5, genre dans le menu ou whatever. Je me suis dit, il me semble qu'il devrait y avoir un mode pour ça. C'est la super bonne toune de Civ 4. Là. Mais c'est quoi dans la toune de Civ 4? Genre. Baba yetu yetu yetu yetu yetu yetu manina baba yetu yetu yetu manina baba yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu yetu C'est une langue... je vais même pas m'avancer à dire quelque chose, là, mais c'est une langue. Puis je pense que c'est quelque chose comme leur équivalent du Notre Père. C'est genre, Notre Père qui a dit aux cieux, blablabla, là, que je connais pas. Ouais. Puis là, j'ai décidé aussi... À un moment donné, j'avais des workers qui servaient à rien. Tu sais, les workers, t'es payé, là, à tous les tours pour les maintenir. Puis normalement, ouais. Ils servent à... T'as-tu joué à Civ, dans le fond? Ben oui, ben les workers, ils font des améliorations. Là, c'est ça, les workers, ils font des améliorations. Fait que là, on était comme... que tu leur donnes une tâche à faire. Ben, dans Civ 5, il y a de l'automatisation des workers. Ben. Tu peux les automatiser, ouais, puis là, ils se mettent à construire... Mais ça veut pas dire qu'ils font ce que tu veux qu'ils fassent. Ils font... Ouais. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus grand-chose à faire, tu les automatises, puis là, ils font juste remplacer, mettons, une ferme par un trade post, puis là, ça optimise un peu ton cash, puis des choses comme ça. Ouais. Mais là, à un moment donné, j'étais comme, bon, J'ai plein de workers, ils servent à rien. J'ai plein de continents à aller explorer. Là, genre, j'ai toute l'Europe à aller explorer, puis la Russie. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, aussi bien prendre un worker puis l'envoyer là. C'était pas une très bonne idée, hein, parce que les workers, les barbares peuvent les capturer instantanément. Ce qui est un grave problème. Oui, ben oui, ben ils se défendent pas, là. Ils ont zéro défense. C'est-à-dire que dès qu'un barbare le voit, il fait comme « Ah! Oh, pogne le worker, part avec! » Puis là, il l'amène dans leur campement. Fait que ils ne peuvent même pas faire des améliorations. Non, ils font juste le garder dans leur camp de barbare. Puis ils font rien avec. Ils le gardent en otage pour le manger. Mais pas. Parce que tu peux aller sauver ton worker. Puis à un moment donné, mon frère m'a dit genre longtemps après, il dit « Ah, j'ai pogné un carte barbare, il y avait un worker, ça dit que c'était à toi. » J'étais comme, je peux les redonner. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un barbare en plein milieu de l'Europe centrale? Je vais essayer de le ramener chez nous, il va se faire encore capturer. Fait que je l'ai juste donné aux Mayas. Oui, il y avait les Mayas. Fait que je suis dit, bon, les autres, ils vont être contents, ils ont un worker. Non, mais là, mon frère a éradiqué les Mayas. Fait que bon, ça va pas bien. T'as perdu ton worker. Ou t'as perdu ton investissement. Bon. Parce que quitte à leur donner un worker, t'es mieux de faire du blackmail pis dire genre, je vous donne un worker, mais moi j'aimerais savoir des affaires. Ah, j'ai fait des bons deals avec eux autres. Okay, là, j'avais échangé, j'avais des ressources, de luxe. Fait que j'étais comme, tiens, qu'est-ce que vous m'offrez pour ça? Ah ouais, 6$ par tour, bring it. Avec ça, un autre 6$ par tour, bring it. Les Mayas étaient dans le trou, ils perdaient genre 15$ par tour. J'étais comme, je suis la cause de 95% de leur dette. Puis là, mon frère les a toutes éradiquées. À un moment donné, j'ai eu plein de notifications. Ça dit « Ah, votre deal avec les Mayas ont arrêté. » Puis j'étais comme « Ah, pourquoi ils ont arrêté? » Puis là, j'ai bien... Ils sont après mourir. Ils n'existaient plus. Ils n'existaient plus du tout. Mon frère et ma soeur les ont toutes bouffées. Mais ouais, les barbares sont fatigants, hein? Ah, j'ai ça, les barbares. Ben oui, mais c'est ça le but. C'est... D'un côté, ça te donne quelque chose à faire. Si tu veux des unités militaires sans faire la guerre, ben, tu pètes des barbares. Les city-states, ils veulent que tu pètes des barbares. Tu vas péter des barbares. Puis ça empêche de trop t'étendre puis de trop te laisser aller. Ouais. C'est comme, watch tes arrières. Ouais, car c'est tu sais jamais quand est-ce que les barbares vont apparaître. Ils apparaissent, tu sais... Mon frère était drôle parce qu'il était comme genre « non, là, non, je refuse, il y a un barbare qui s'est téléporté, c'est la seule explication, il s'est téléporté. » Puis j'étais là comme « Ah, ça apparaît n'importe où, les bouts du barbare. » J'étais là « Ben oui, Guillaume, tu savais pas, là, les barbares, t'sais, nous, on est à la technologie, on recherche l'écriture, on recherche les mathématiques, les barbares ont déjà la technologie de la téléportation. » Dans les technologies futuristes. Non, mais c'est le principe que si tu laisses un carreau de terre avec de l'ombre, il va apparaître dessus. Si personne voit un territoire, j'imagine le jeu spawn des barbares à intervalles réguliers. Là. Fait que là, quand le jeu il est comme bon, c'est le temps de spawner des barbares, il check sa map, il trouve un coin d'ombre, puis il est comme voilà, il y a maintenant un camp de barbares là, puis il y a plein de barbares qui pètent mes routes. Qui capture mes trades, mes marchands. Fait que ça nous a valu, tu sais, on était comme, tu sais, tu fais de l'exploration, surtout moi avec mes workers, j'étais comme, bon, y a-tu des barbares ici? Barbares! Êtes-vous là? Y es-tu, barbare? Et là, ça nous a valu la chanson, bien sûr, qu'Anne-Sophie a dit, genre, non, interdit, puis là, j'ai fait, non, Anne-Sophie. Barbare, es-tu la barbare, où es-tu? Es-tu la barbare, où es-tu? Es-tu la barbare, où es-tu? Ouais. Ça, c'est l'œuvre de ma vie. Je pense que il va y avoir un moment donné, tu sais, on peut pogner des grands peintres puis des great writers. Oui, ça, c'est drôle quand Mozart est né à Dublin en 1182. Oui. C'est toujours parfait. Exact. Et là, je pense que bientôt, il va y avoir un musicien ou un writer illustre qui va s'appeler Narf avec sa grande composition Barbare y es-tu? Faudrait qu'il y ait un tooltip qui dit genre c'est quoi sa grande composition, pourquoi qu'il est connu, tu sais, ce serait parfait. Mais ça, pour qu'il y ait un grand artiste qui s'appelle Narf, t'aurais juste à me modder de quoi dans le jeu, là. Je suis sûr que ça doit pas être si dur que ça. Ah, c'est, oui, non, c'est... Parce que quand j'ai cherché pour trouver si Baba y est-tu, il y avait un mode pour entendre la tune dans Civ 5, il y en avait plein des modes qui faisaient que ça rajoutait Christopher Tin dans Civ 5 en tant que great musician. Puis il pouvait composer Baba Yetu. Ah ouais. C'est vrai. Mais c'était pas ça que je cherchais. Fait que, ouais. C'est quoi ça? T'as écrit un nouvel album de Miracle of Sound, tant qu'à parler de musique. C'est quoi cette affaire-là? Miracle of Sound, j'en avais pas déjà parlé. C'est un gars qui fait de la musique qui est inspiré de jeux vidéo. J'étais genre all over son stock, peut-être genre un an au moins, là. Je vous ai jamais parlé de... Je suis sûr que j'en ai déjà parlé. Dans le fond, c'est un Irlandais qui fait toute la musique. Ben, c'est un guitariste, mais c'est lui qui chante, c'est lui qui électronique, qui joue tous les instruments puis qui monte l'album électroniquement, là. Fait que c'est comme un band, mais c'est une personne, fait qu'il pourrait pas jouer live, mettons, là. Il fait toute sa musique tout seul. Mais, ben oui, j'avais envoyé une toune sur de Wolf Among Us à un moment donné, puis je pensais que c'était une toune originale, puis tu m'avais dit genre, non, c'est la toune thème, puis il a mis des paroles dessus. c'est rare qu'il fait ça, mais en général, il crée des tounes originales. Mais c'est comme inspiré du jeu dans le sens que c'est comme si c'était un personnage dans le jeu qui écrivait une chanson ou qui parle, ou c'est vraiment... c'est pas toujours évident. Mais c'est comme pas de la parodie, puis ça parle pas souvent comme... C'est pas méta, là, genre, c'est un jeu qui chante une chanson sur un jeu. Non, c'est comme si t'étais dedans, là. Mm-hmm. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ben, on peut s'imaginer. C'est comme si c'était un personnage de l'histoire qui chante sa chanson, mettons. Puis, ben, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce qu'il fait parce que c'est super varié. Il y a du rock, il y a du pop, il y a de l'électronique. C'est vrai, ça fait vraiment des albums variés. Puis, sur les pièces de l'album, quand tu l'achètes sur iTunes, ça dit comme pas c'est quoi le jeu. Qui est inspiré de la toune. Fait que là, j'écoute les paroles et j'essaie de deviner, genre, c'est quoi le jeu qui a inspiré la chanson, là. Fait que c'est tout disponible sur YouTube, puis il filme du footage du jeu, puis il fait comme un vidéoclip avec sa toune en même temps. Fait que c'est vraiment, vraiment bon. Puis son nouvel album, Level 7, il vient de sortir. Dans le fond, à chaque année, il fait un album qui regroupe toutes les tounes qui sont sorties sur YouTube durant l'année. Puis parfois avec quelques petits extras. Puis ben, c'est encore un album super bon. Comme d'habitude, là. Je sais pas, toutes les tunes, je suis pas encore allée voir toutes les tunes étaient sur quel jeu, là. J'essaie encore d'en deviner une couple, là. Mais mettons, ça ouvre avec la tune sur Deus Ex Mankind Divided, qui est vraiment super bonne. Qu'est-ce qu'il y a après? Y a-t-il une tune sur Assassin's Creed cette année? Je pense que non, hein, parce qu'il n'y en a pas eu. Ouais, il y a une toune sur Dishonored 2, il y a encore une toune sur Fallout 4, parce que c'est un fan fini de Fallout 4. Il y a des tounes sur The Witcher, parce que je pense qu'il y a eu des contrats avec CD Projekt Red pour faire des tounes sur The Witcher. C'est vraiment... Il y a un remaster, je pense, d'une toune qui avait faite pour Skyrim, qui est vraiment une toune celtique. Là. Il est bon pour faire des genres de tounes celtiques, parce qu'il est irlandais, là, fait que... Ben, ça se prête bien au jeu, parce que les ouais, jeux ça se sont prête un bien peu fantasy, médiéval-ish. Ouais, ouais. Mais tu sais, il peut y avoir des tunes genre vraiment plus éclatées. Il y a des tunes sur Grand Theft Auto. Le 5, il y a 3 personnages dans l'histoire principale. Je pense qu'il a fait une tune pour chaque personnage. Puis qui capture un peu la personnalité aussi. C'est bien, bien intéressant. Fait que moi, j'aime vraiment beaucoup ces albums. Je trouve ça varié. Puis c'est comme... Tu t'écoutes de la musique de jeux vidéo, mais ça paraît pas tant que ça que c'est de la musique de jeux vidéo. Genre, c'est pas 8 bits, c'est pas... Ça passe bien inaperçu, genre. Puis c'est très varié. Fait que, ouais, j'ai acheté son nouvel album, puis très, très satisfaite. Très bon. Moi aussi, j'écoute de la musique de jeux... Ben, façon de parler, là. Genre, tu sais, je jouais à Off-World Trading Company. L'album, oui. Il est sur iTunes. Je suis abonné à Apple Music, je l'ai écouté plein de fois. Ah, cool! C'est de la musique, c'est dans le courant du modernisme, là. Donc, dans les années 60, Philip Glass et Steve Reich, l'espèce de musique c'est comme des arpèges. C'est que des arpèges. C'est très comme mathématique comme musique. Puis ça fit super bien avec le jeu parce que c'est super. Ça devient comme stressant constamment. Puis lui, c'est. By the way, j'ai appris. Il y a quelqu'un qui m'a dit genre, ah, c'est le gars qui a composé. C'est le même gars qui fait la musique de Civ. C'est Christopher Tin. Mais c'est un autre genre complètement. Alors que, tu sais, Civ, c'est de la musique un peu. C'est choral. C'était-tu. C'est pas toi la semaine passée qui avait parlé de la musique de Civ 5. Non, c'est dans Civ 6. Alors, c'est pour ça qu'on n'avait pas parlé. J'ai entendu ça dans un podcast puis je trouvais ça tellement malade. Apparemment, que dans Civ 6, la musique que tout le monde entend, c'est la musique culturelle de la personne qui est présentement en tête, dans le pointage. Hein? Ouais. Fait qu'apparemment, tu sais qui est en train de mener à la musique qui joue, genre. Huh, wow, hey, ça c'est man, cool. Il doit y avoir un tabarnouche de musique. Il dit qu'il jouait l'Angleterre, puis à un moment donné, c'était comme toutes des hymnes de. Tu sais, de, genre le cœur de l'armée rouge, là, toutes des hymnes russes. Puis là, il comprenait pas, puis il est allé voir, mais c'est vrai que c'est les Russes qui étaient en tête. Puis à un moment donné, ça a switché, tu sais, puis c'est ça, la toune, ben, il doit avoir au moins une toune par nation, là. J'imagine. Puis c'est ça, la toune qui. Est en tête, c'est la personne que tout le monde entend, c'est la personne qui est en tête. Là. Fait que tu commences à te faire assimiler culturellement par la Russie, puis tout ce que tu entends dans tes oreilles, c'est la chanson de la Russie. C'est quand même très drôle. Ouais, j'ai pas remarqué si dans Civ 5 ça fait ça. Parce que j'ai remarqué, ben, parce que moi qui d'habitude joue tout le temps paisible, j'étais habitué à une certaine soundtrack. Puis là, un moment donné, quand j'ai commencé la guerre contre les Celtes, je fais. Ah, tiens, il y a d'autres tunes dans le jeu que je savais pas. Quand on pète la gueule, il y a des tunes un peu plus tendues, avec de la caisse claire un peu comme militaire des années 1600. Mm-hmm. Ah, ça va être bon. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire tantôt, tu sais, je parlais de la musique de jeu que j'écoute, là, mais il y a une autre affaire aussi que je voulais dire, c'était mon iPod était sur Random l'autre fois, puis il y avait une toune, j'étais comme, ah oui, tu sais, quand t'écoutes des tounes en Random, moi ça fait tout le temps ça, mon cerveau passe toute la moitié de la toune à essayer de se rappeler c'est quoi cette toune-là, c'est en quoi. Puis... c'était du Jim Guthrie, le gars qui a fait la musique de Swords and Sorcery. Oh. Qui a fait de la musique dans le jeu de Sound Shape. Et qui fait aussi des albums de musique pop. Plus folk, on va dire. Puis, tu sais, ça faisait. T'sais, je l'avais écouté beaucoup, voilà une couple d'années. Puis là, randomly, je suis retombé dessus. Puis j'ai fait. Man! Fucking bon ce gars-là! C'est de l'espèce de pop, de pop, c'est du folk, tout. C'est fin, c'est subtil, c'est polish au bout, ça sonne mélancolique par moment, ça sonne. C'est dur à dire quand j'ai pas une toune dans les oreilles en même temps, mais. Puis des fois, il va un peu plus dans l'électro pour aller chercher d'autres sonorités. Puis c'est ça que ça a donné dans Swords and Sorcery. Il a fait des albums. Il a fait un album entier en utilisant une espèce de jeu de PlayStation 1 qui te permettait de composer de la musique façon un peu MIDI. Ah! Mario... Voyons. Il n'y avait pas un jeu de Mario qui te permettait de faire ça? Ouais. Mario Paint. Oui, c'est ça, j'avais juste Mario Paint en tête, ça doit pas être Mario Paint. Mais là, il disait, c'était plus comme t'enregistrais. Je sais pas comment tu faisais pour mettre un son dans la machine, mais tu pouvais mettre un son, puis là, tu sais, la machine te faisait toutes les notes avec ton son. Fait qu'il disait, j'enregistrais un string de guitare, genre ping, puis là, il faisait toute une tune au complet en utilisant cette seule et unique note-là. Puis, il avait appelé ça « Children of the Clone », parce que c'était la note qui avait été clonée. C'est... Tu sais, c'est... Il y en a de tous les genres, puis en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Puis, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté, puis là, je l'ai écouté plein. Puis, j'étais comme... Ça faisait longtemps que j'avais pas réécouté du bon Jim Guthrie. C'est un gars de Toronto, je pense. Si t'as Apple Music, t'as probablement accès à Miracle of Sound parce que ses tunes sont sur iTunes. Sûrement. Ouais, ouais. Puis là, je viens d'aller sur sa page YouTube puis je vois c'est quoi les tunes de l'album que j'écoute depuis une semaine en essayant de vider. J'étais quand même pas pire dessus. Je suis quand même contente. Mais c'est ça, il y a deux tunes sur The Witcher 3, deux tunes sur Dark Souls 3 et la tune de Doom qui est une tune métal super qui te défonce, genre c'est vraiment vraiment bon. Il y a une tune sur Game of Thrones, il y a à peu près à chaque album, il y a une tune sur Game of Thrones. Il y a une tune sur Battlefield 1, une tune sur Overwatch. C'est vraiment, mais c'est ça, c'est qu'il prend le lore du jeu puis qu'il bâtit une tune avec, c'est ça que je trouve malade. Genre, il y a une tune sur Far Cry Primal, que c'est dans un langage que je comprends pas, là, un peu comme la tune de Barba Tato, là. Tu sais, ça fait juste dire des genres non, de. Non, Anne-Marie. C'est pas une tune de barbare, ça, c'est moi. Non, je sais. C'est moi qui chantais Barbare, y es-tu. Baba, y es-tu, c'est ça. Baba, y es-tu, c'est ça. Dans une genre de langue comme ça, super primale, avec des tambours, pis tout. C'est vraiment super beau. Fait que, crime, si j'en ai jamais parlé, en tout cas, je recommande, j'écoute. Beaucoup ça, j'aime vraiment ça. Puis tu sais, il y a des tunes comiques aussi, genre des fois ils parodient, là. Il y a une tune qui s'appelle The Call of Duty Circus. C'est genre une tune de cirque qui fait juste parler de tous les genre stéréotypes de joueurs que tu rencontres sur Call of Duty. Fait que il y a quand même une couple de tunes qui. Oui, il rit un peu de l'industrie, là. Que... Bref. Moi, je sais pas de quoi vous parlez dans le chat, pour vrai, là. Les barbes à papa! Parce que là, on est parti sur Barbare, Barbare ouais. À papa. Puis là, Lunabit, elle parle c'était des livres puis des animés, ce qui s'appelait les Barbes à papa. C'était des espèces de bonhommes circulaires qui pouvaient comme, avec humanoïdes un peu, là, avec des yeux puis des mains. Un peu comme le jeu sur PSP, c'est un bonhomme jaune qui roule en glu. Hein? Oui, là. Un bonhomme jaune qui roule en. Oui, glu. C'est comme une boule jaune. Pac-Man? Non! Oh, shit! C'est comme un blob jaune. Tellement pas de quoi tu parles, je suis désolée. J'ai la toune dans la tête. J'ai la chanson thème dans la tête. Puis voyons donc, sur PSP. Là, on va chercher. PSP game with the yellow blob. Je suis sûr que les gens nous écoutent, là, pis là, ils sont comme, genre, c'est évident, là, c'est ça, pis là, ils nous trouvent épais de pas s'en rappeler. C'est Loco Roco! Je sais pas c'est quoi du tout. Loco Roco. Ah, bon. Ben, les barbes à papa, c'est un peu comme Loco Roco, pour ceux qui connaissent ça, tu sais, c'est-à-dire pas Anne-Marie. Non. Mais c'est pour bref, ça que je trouvais ça rough, un jeu de PSP, là. Ça, je connais pas beaucoup de jeux qui sont reconnus pour être un jeu de PSP, mettons. C'est sur PSP, il y a comme des ports, ou il y a comme d'autres franchises, mais genre un jeu, t'es comme ça, c'est un jeu de PSP. Je pense pas qu'ils l'ont sorti sur autre chose. Genre, des Loco Roco, il y a eu une espèce d'application sur PS3, mais c'était plus comme un screensaver. Qui était animé, mais c'était pas un jeu. Puis, si c'est sorti sur autre chose que PSP et PS Vita, je ne suis pas au courant. C'était cool. C'était un indie platformer avant les indie platformers. Ah ouais. C'était de la physique. C'était ceux qui en a pas à peu près des indie platformers. Mais là, c'était une glu, fait que c'était original. Puis la glu pouvait se faufiler dans des tuyaux, puis se splitter en plein de mini glu, puis là, ils se prenaient tout, puis ils tombaient, puis c'était cool. Cool. Puis tu pesais sur les boutons pour. Tu contrôlais pas la glu, tu contrôlais le level. Tu pouvais tilter le level de 30 degrés à gauche ou à droite. Ah! Fait que c'était cool. Ça, c'est quand même cool. Puis je pense que si tu pesais sur les deux triggers en même temps, là, ça faisait jumper le level, fait que ça faisait jumper ta glu. Ton bonhomme glu jaune. Wow. C'était tout tricky. Coloré. Ça sonnait, tu sais, c'était Katamari-ish, là. C'était ça filait comme Lilo and Stitch, puis ce genre d'affaires-là. Là. Wow. Eh bien, les Barbes à Papa, l'émission ou les livres, c'est des bonhommes un peu comme ça, puis ils pouvaient se faufiler, puis se transformer. Puis moi, quand j'étais petit au primaire, là, genre j'avais quoi, 6-7 ans, je trouvais ça tellement cool. Genre, ils pouvaient se transformer en n'importe quoi. Là. C'était tellement cool. Puis après ça, j'ai oublié ça. Puis là, je les ai retrouvés récemment. Puis là, j'ai fait « Waouh, je me rappelle de tout ça quand j'étais petit. » Je suis pas trop jeune. Je vais mais non! Faire, je suis comme... T'as 2 ans de moins que moi, genre. Mais je comprends pas comment tu connais ça, man. Wikipédia dit que ça a été créé en 1970. Ben, il y avait des livres de ça, là. C'est comme les... Tu sais, c'est comme les livres de monsieur puis de madame, là. Genre, oui, monsieur Chatouille puis monsieur Grand puis monsieur Rapide puis monsieur n'importe quoi, là. Ouais, c'est comme tout des attributs, là, ouais. Ouais, bon. Ça aussi, ça a été écrit, là, genre, 45 000 ans puis... J'avoue. Ils font des rééditions, là. Oh, mon Dieu. Barbe à papa, barbe à maman, barbe à lala, barbe à belle, barbotine. Oui! Oui! C'est ça, leur nom! Barbibule, barbidou. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Exactement ça. Merci Wikipédia. Des barbes à bébé. Des barbes à bébé-fille, puis des barbes à... Très important. Oh là là. T'as-tu d'autres choses à raconter, là? T'as Factorio, ben, là, sa liste. Ouais, c'est ça. T'as après passé ma liste, tant qu'à faire. On va passer ma liste. J'ai essayé Factorio. T'en avais sûrement déjà parlé, ça. Ben oui. Non, moi, je n'ai pas parlé parce que j'ai pas joué, mais c'est Bruno qui en a tellement parlé. Ah, ça doit, hein. Ben, ce jeu-là est merveilleux pour les gens qui aiment beaucoup ce genre de choses-là. C'est malheureusement ça, ma conclusion. Mais Anne-Marie... Es-tu ouais. une personne qui aime ce genre de choses-là? Anne-Marie est peut-être pas tant fan de faire des chaînes de montage à l'infini, mettons. Mais c'est parfait pour ce que ça fait. Des chaînes de montage à l'infini? Ben, c'est juste, j'ai essayé avec un ami, puis... Tu sais, le jeu t'explique pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, là. C'est des chaînes de montage, puis le jeu te l'explique pas, là. Je pense qu'il s'attend à ce que tu figures ou que tu ailles lire un guide ou je sais pas. Alors moi, qui ai une section tutoriel, puis je l'avais pas lu, dans le fond, c'est peut-être ça. On est allé dans une game à deux. Puis mon ami était comme, ok, là. Jouer à deux? Ouais. En coop? Ouais, on joue en coop, en multi. Ah, oh, ok. Fait que t'es deux bonhommes dans la même map, puis il était là, ok, là, on va chercher du charbon. Bon, on mine du charbon. Fait qu'on a vraiment fait comme, tu sais, plusieurs étapes pour se rendre quand même assez loin, mais tu sais, c'est tout lui qui me disait quoi faire. Et j'avais comme pas le temps d'apprendre, genre, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans le jeu, tu sais. Mais, crime, c'est juste des chaînes de montage. C'est juste pour améliorer puis aller plus loin dans la technologie, puis plus loin, puis à un moment donné, tu découvres l'électricité, puis là, faut t'amener de l'électricité à toutes tes autres chaînes de montage pour les automatiser, puis les rendre plus vite, puis les rendre plus dépendantes au charbon, puis pour fabriquer plus de choses qui vont te permettre de fabriquer plus de choses qui vont te permettre d'augmenter ta technologie, qui vont te permettre de fabriquer plus de choses, qui vont te permettre de fabriquer d'autres choses, qui vont te permettre d'aider à faire plus de choses plus rapidement. Ah, plus... Oh, ça finit plus! Mais c'est cool! Mais, t'as, faut être brillant pour penser à ça aussi, là, pour vraiment optimiser ta chaîne de montage, là, genre dans l'espace, puis que tout soit alimenté en électricité, puis que... Parce qu'à un moment donné, ta chaîne de montage, tu veux plus que ce soit toi qui amène l'objet vers... Tu sais, qui amène le matériau brut vers... La prochaine étape, tu sais. Tu fais des convoyeurs. Puis là, faut que tu fasses des convoyeurs tout partout. Puis il faut pas qu'ils se pilent les uns sur les autres tant que t'as pas développé comment faire un viaduc par-dessus un convoyeur pour mettre un autre convoyeur. Fait que là, faut tout que, genre, tu fasses le tour de tes affaires pour rendre tes autres affaires. Puis là, comme, mettons, les matériaux bruts, puis là, le matériau fini, il sort en dessous, puis là, il s'en va vers une autre usine qui va le transformer en autre chose. Puis... Oh mon Dieu, que c'est compliqué! Puis les convoyeurs, ils font pas en sorte que les choses se rendent dans ton usine ou ton... je sais pas moi, t'as une bouilloire ou t'as une presse hydraulique ou peu importe. Là. Non, non, faut que tu prennes... À chaque fois, faut que t'aies un bras mécanique qui prend l'objet sur le convoyeur puis qu'il le fout dans la machine. Genre. Après ça, t'as un bras mécanique qui prend l'objet qui a été fait dans la machine puis qu'il le fout sur un autre convoyeur. Il y a des bras mécaniques partout puis faut que ce soit clair aux autres qu'est-ce qui attrape puis qu'est-ce qui attrape pas parce qu'au début, t'es pas capable de faire des bras mécaniques qui vont discriminer, genre, j'ai besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela, genre. Fait, oh mon Dieu, que c'est compliqué. Il faut que tout roule à la bonne vitesse parce que si, mettons, ta première matière première au début, elle se produit trop vite, Ben là, ça va commencer à s'accumuler parce que ton usine n'en fabrique pas assez vite. Oh, mais ça dérange-tu que ça s'accumule? Non, ça dérange pas, peut-être pas vraiment dans le fond. C'est vrai, ça. Mais toi, tu perds du temps, tu sais. Fait que t'es mieux de faire comme, mettons, Tu perds une. du temps! Tu perds des ressources, là. Tu Mais joues t'es mieux un de faire jeu comme. vidéo, Annemarie. Mais tu perds de quoi, là? T'as des ressources qui se perdent, là. Ils pourraient être transformés, tu sais, mais ils sont pas, là. Le temps, c'est de l'argent, là. Fait que là, tu fais plus de choses pour transformer, pis. Ah, oh, mon Dieu. C'est comme trop de travail pour moi. C'est. C'est du travail, mais il faut aimer ça. Faut aimer optimiser, puis faire des petites choses parfaites, puis des beaux petits systèmes qui fonctionnent bien. Puis, parce que j'essayais d'apprendre, fait que des fois, je me mettais dans un coin, puis je commençais à fabriquer un circuit avec quelque chose, tu sais. Puis là, mon ami venait voir, puis il disait, oh non. Oh non, ça marche vraiment pas. Attends, scrap ça, on recommence. Puis là, il faisait comme toute une rangée, puis avec une rangée de bras mécaniques, puis une rangée d'usines, puis pour que tout soit optimisé, puis que ça roule au coton. Genre, avec le convoyeur qui passe à côté, pis, je me sentais comme un enfant dans un coin avec 3-4 Lego qui fait comme une brique, deux briques, trois briques. Yay! Puis lui, il arrive avec tout le modèle, tout fait avec le plat, pis genre, non, on fait ça comme ça va rouler. Ah! Je pense, Anne-Marie, que tu aurais été peut-être mieux tout seul. Mais j'aurais probablement lâché vite, tout Pars-toi une game tout seul, puis tu vas, puis apprends-le. Même si tu te rends pas aussi loin, au moins tu vas avoir pu faire un Mais petit peu. Parce j'ai que. compris, là. Je le voyais, puis c'est pas que j'ai pas compris, dans le fond. C'est juste que j'ai pas eu comme la phase d'exploration, là. Oui, mais c'est ça qui. Mais. Je veux dire, rendu là, sinon ça devient de l'exécution, puis c'est plate, ça. Oui, un peu. C'est comme acheter un kit de blocs Lego puis suivre le plan, c'est le fun, mais. Mais c'est cool, moi, j'haïs pas ça non plus, là. Oui, non, ok, Mais c'est tu pas un sais, bon je sais exemple. pas à long terme comment j'aurais du fun avec ça, parce qu'à un moment donné, j'imagine que tu montes en technologie, puis tout roule de plus en plus. Tu te défends contre des attaques d'aliens. Des attaques d'aliens, fait que des fois, faut t'organiser ta défense. Donc, tu peux pas juste être tout le temps axé sur ton progrès technologique, tu sais. Faut que tu te fasses des défenses un peu, puis tu te fasses des usines de balles, mettons, pour mettre dans tes défenses. Mais je sais pas, ça finit où ce soir-là, genre. Je pense qu'il n'y a pas de fin. Ben oui, il doit avoir une fin technologique, là. Fait qu'après ça, tu fais juste tout développer, puis genre, bon, ben, j'ai toute la technologie la plus élevée que je pouvais avoir. Fait que c'est ça, je sais pas. Moins que les attaques d'aliens deviennent de plus en plus rough, puis t'es toujours en mode survie. Je sais pas. Y Mais c'est a-t-il une... intéressant, tu sais, parce que c'est fou la quantité d'outils puis d'objets que ça prend, c'est détaillé, là. Je sais qu'il y a du Quelqu'un monde qui joue qui. à Minecraft comme ça, là. Oui. Ah oui. Puis des jeux comme ça de chaînes de montage, il y a aussi, je pense que c'est Infinity Factory que ça s'appelle. Ça, c'est en 3D. Ah ouais? C'est comme Factorio puis Minecraft mélangés ensemble. Oh là là. En plus, en 3D, ça doit être compliqué. Fait que là, t'as des Au moins, ça doit affaires, être puis plus ça facile pogne mettre le une. truc, ça le pousse, puis là, ça Ouais, mettre un convoyeur au-dessus puis un convoyeur en dessous, ça doit être plus facile le que en 2D, mettons. Je sais pas. Mais c'est pour les gens qui tripent chaîne de montage, réseau électrique, pis ces petits trucs-là, c'est parfait, ce jeu-là, là. Le pire, Je c'est pense que c'est que surtout pas pour moi, mais. j'aimerais ça. Pourquoi je Peut-être, ne ouais. joue pas à Factorio? Ok, Moi, je pense que t'aimerais ça essayer ça. je vais le mettre sur ma wishlist. Moi, je me souviens que j'avais vu le trailer, puis que le trailer, il était particulièrement impressionnant. Ah ouais? Le trailer, oui, parce que tu sais, c'est comme un gros zoom out. Tu sais, ça OK. commence une petite affaire, puis là, tu vois comme ça suit la production de l'usine, ça devient de plus en plus gros puis extravagant, puis je suis comme, oh my God! Ah, ça devient vite gros pièce extravagant, là. Ben, tu sais, tu pourrais faire tout à petite échelle puis commencer par avoir genre une mine de charbon, puis une truc de construction, Ben de oui. transformation. Mais tu sais, tu veux avoir une grosse industrie qui roule, là. Fait que des centrales électriques, t'en mets comme 12 en réseau, puis là, t'envoies l'électricité à tes genre 80 mines en réseau qui vont te. Ben, en ligne, là. En série, excuse, c'est ça, qui vont te donner tout l'approvisionnement d'iron que tu vas avoir de besoin. Puis là, tu ramasses tout ça, puis tu distribues ça vers toutes tes usines qui vont te faire des plaques, des joints, Ah, je suis pas des balles. Moi, je suis pas ce genre-là. Moi, je suis plus du genre, fuck les tutorials, fuck les guides qui disent Ah, c'est mon quoi la Dieu. bonne manière. C'est comme Ça quand va être j'avais joué dur. à Cities Skyline. City Skyline, j'ai parti une game, puis 15 minutes plus tard, j'étais banqueroute. Moi aussi, je ressemble à ça dans les Sims. Puis dans les Sims, c'est que je suis comme, je veux faire ma ville, fait que là, je bâtis plein, plein, plein, plein d'affaires, puis là, je mets plein de routes, puis tout, puis je me bâtis carrément une ville, tu sais, au lieu de partir petit, puis grandir. Ouais, mais City Skyline, le problème, c'est que ma deuxième game, je disais, ok, je vais utiliser le mode, le cheat pour avoir infini d'argent. C'est dans les options, là, tu pêches infini d'argent, puis là, voilà. Sauf que là, je construisais des méga patentes, puis là, il y avait plein de trafic partout. Parce que le trafic était simulé pour de vrai. Oui. Dans City Skyline. Alors, je rêvais à des sorties d'autoroute. Puis des... Ah oui, je vais mettre un sens unique... Là, je vais faire que ma route de même, ma grosse route, là, elle a une autre route à côté qui est sens unique, mais dans l'autre sens, comme ça, ça va éviter le trafic. Ouais! J'imagine que Factorio, ça serait le même genre d'affaire. C'est juste que ça me fait peur, c'est trop gros comme jeu. C'est-tu si trop gros que ça? C'est effrayant, c'est trop long. Ça va être trop long. Écoute, jeu à Civ. Civ, c'est tellement long. Mon Dieu que c'est long, Civ. Ça n'a pas de bon sens. Je pense pas que ce soit si long que Civ. Parce que non? C'est pas tour par tour. C'est toi qui vas à la vitesse que tu construis. Pis tout. Ouais, pis mais tout le... l'action, là. Mais c'est que t'es constamment dedans. T'es constamment en train de faire de quoi. Puis à un moment donné... T'attends pas après tes matériaux. Ça se produit automatiquement. Puis c'est vraiment real time. Fait que je joue au moins 3 heures avec mon ami. Puis ça passe vite, là. Mais c'est ça le problème, justement. Ça passe vite. C'est comme jouer à Civ. À Civ, le temps passe vite. Puis soudainement, on est rendu dimanche soir. Puis c'est fait « Fuck, j'ai rien fait de ma fin de semaine. J'ai joué à Civ. » Vous êtes bon si le temps passe vite quand vous jouez en gang. Parce que nous autres, quand on joue toute une gang en multijoueur, il y a tout le temps quelqu'un qui finit pas son tour. Puis là, on attend qu'il finisse son tour. Puis on attend au prochain tour. C'est long! Il y a un peu de ça. Mais dans ce temps-là, tu regardes ta stratégie à plus long terme. Ou tu fais comme moi, puis tu joues à Pokémon Vieux Monsieur on the side. Ou tu joues au poulet. Tu joues au poulet. Oui, c'est mon nouveau jeu depuis vendredi soir. Ah, oui, j'ai vu que tu as partagé Egg Inc. Les amis de mon chum, ils jouent à ça en fou, genre. Et j'avoue, je l'ai vu, puis je me suis dit, oh, c'est un jeu à narf, ça. J'avais oublié de t'en parler, hein. Colin. Un jeu à narf. Ah oui. Donc... Ah oui, c'est. Pour moi, ça s'appelle des jeux à narf, ces choses-là. C'est Camille qui m'a parlé de ça. En fait, quelqu'un à Job m'en avait parlé il y a très longtemps, puis j'avais fait, OK. Mais là, Camille m'en a parlé, puis elle m'a dit, genre, ouais, il y a comme une histoire, là. J'ai comme, ah ouais, en plus? Un idle game avec une histoire. C'est intriguant. Elle dit, oui, là, je suis déjà rendu dans l'espace, là. Wow. Je suis comme, OK. Alors, elle m'a dit ça vendredi. Vendredi soir, je l'installais dans à Job. Je l'ai lancé vendredi soir dans le métro. Et là, j'ai joué beaucoup. Beaucoup. Et là, durant toute la fin de semaine. Et là, j'arrive à Job lundi. Et là, je vois... Ah! Notre lead programmeuse qui jouait au poulet! J'ai dit, Catherine, tu joues au poulet? Elle dit, ben oui, là, j'ai installé ça dans le temps de Noël, là. Elle dit, ah, oh, moi, je le laisse à mes enfants, là, ils grindent pour moi, là, ils cliquent sur le bouton des poulets, puis ils pognent les drones, puis ils regardent les trucs. Ben, il n'y a pas du grind, là, c'est un idle game. Alors, dans le jeu des poulets, c'est comme ça que je l'appelle, mais le nom officiel, c'est Egg Inc., comme dans ouais, Egg Incorporated. Les œufs sont une denrée rare, pas une denrée rare, mais une denrée miracle sur la Terre. Oh. La solution à tous nos problèmes se trouve dans les œufs. Alors, un fermier se dit que si le miracle de la vie se trouve dans les œufs, aussi bien commencer à produire plus d'œufs jusqu'à temps qu'on trouve le bon. Ouais. Alors... Il y a beaucoup d'œufs, beaucoup de poulets, de poulaillers. Et en gros, tu as ta basse cour, t'as tes poulaillers. Tu peux acheter des plus gros poulaillers pour stocker plus de poules. Les poules pondent des œufs à raison de genre, je sais pas combien par seconde. Et là, tes œufs, tu les vends pour acheter plus de poulets, pour avoir des meilleurs incubateurs pour qu'ils spawnent plus de poulets, pour acheter des plus gros poulaillers. Puis là, un moment donné, t'as un message qui dit là, là, ton système de livraison livre pas assez vite. Fait que là, tu upgrades tes trucks qui livrent les œufs pour continuer à faire de l'argent. Et là, tu upgrades tes poulaillers pour qu'ils se mettent à produire eux-mêmes des poulets par seconde. Et là, tu fais de la recherche pour augmenter la valeur de tes œufs, puis le rendement de tes poulaillers, puis le nombre de poulets par seconde, puis le boost, parce que là, quand tu cliques sur les poulets puis qu'ils courent, t'as un boost, ça fait que les poules dans le poulailler pondent plus pendant qu'il y a des poulets qui courent. Là, mon boost est rendu genre à x7, là. Fait que là, quand j'ai des poulets, là, ça commence à pomper plus vite de poules. Et de poulet et d'œufs, et là tu fais plein d'argent, et là tu achètes des silos, puis là tu fermes le jeu, puis là ça accumule du cash pendant que tu n'es pas là. Puis là il y a des drones de Amazon qui se promènent pour faire de la livraison, puis là tu cliques mais dessus, non. Puis ils font comme. Puis là tu pognes leur cargo plein de cash. Ok, je pensais que c'était ça ta pub, puis là tu allais avoir une pub d'Amazon, genre. Non, c'est des drones qui volent en transportant des affaires. C'est sûr que c'est une référence à Amazon, mais c'est pas textuellement écrit que c'est Amazon. Le jeu est très joli, là. Ça a une esthétique colorée, flat. Ouais, je crois que ça avait l'air beau. À la Crossy Road. Il y avait des œufs. Ok, il y avait des œufs de plein de couleurs, là. Fait que... Oui, tu peux upgrader. À un moment donné, le jeu te dit, tu as découvert une nouvelle sorte d'œuf. Fait que là, tu vends ta ferme et tu te pars une nouvelle ferme from scratch, mais avec des œufs qui payent plus. Ah. Fait que là, tu peux avoir une plus grosse ferme avec plus de cash. Puis, qu'est-ce que je pense que j'ai fait le tour. Mais c'est drôle, hein, parce que ça quand tu cliques, cool. Il y a des poulets, ils courent, puis là, tes voix courir, ils vont... L'animation de poulet est particulièrement... crédible et réaliste. Immersive. Ah oui. Puis là, t'as les drones, puis là, t'as des trucs à upgrader. Il y a constamment quelque chose à faire dans le jeu des poulets. Wow. Mais par constamment quelque chose à faire, je veux dire, jusqu'à temps que t'aies acheté plein de power-up, puis là... Ça se met à coûter trop cher, fait que là, il faut que tu attendes un petit peu le jeu fermé, que tu ramasses assez de cash pour acheter le prochain power-up. Puis là, tu as des plus gros œufs. Puis là, tu découvres le secret de la vie éternelle et tu guéris le cancer. Grâce aux œufs. Et tu vas dans l'espace. Ouais. Et il y a des super bons jeux de mots parce qu'il y a des articles de journaux, des fois, qui se popent. Il y a des trucs comme le New York Times. Oh! Et le Egg Inquirer. Non, c'est le Egg Inquirer. Comment c'est? En tout cas, les noms de journaux, c'est tous des jeux de mots avec œufs ou poules ou des enfants de même. Évidemment. C'est très très drôle. Ouais, c'est pas pire bon. Good. Tu peux acheter des affaires, mais à date, ça va bien. Je m'en tire bien ça. Le jeu est généreux. Ça s'appelle Egg Inc. Comme dans Egg Incorporated. Ouais. Moi, j'y joue sur iPhone. J'imagine que c'est sur Android aussi. Oui, oui, oui. Anne-Marie, qu'attends-tu? Ben, je suis après le downloader, là. Ha! Mais j'ai tellement de jeux, là. J'ai encore un ami qui m'a parlé de Star Wars Galaxies of Heroes, puis j'ai downloadé, mais j'ai pas joué encore. Mais... Star Wars Galaxies of Heroes, c'est le fun pendant 2-3 jours, ben, mané, tu fais comme... Je comprends pas, mais ils jouent encore. C'est long. Ah. Oui, oui, il y a des gens qui aiment ça. C'est quelqu'un qui m'a convaincu, là, mais peut-être... Moi, je sais que j'écoute le podcast de Tonton Biscuit, puis lui, genre, il dit que ce jeu-là a pas d'allure si tu payes pas. Fait que genre, pour continuer à jouer, il met de l'argent dedans pour se faciliter la vie. Sinon, il dit que le grind n'a juste pas de bon sens. Ben oui. Mais c'est... Puis, j'en ai déjà parlé au Bathias. Je l'ai parlé c'est de ça, le jeu. Ouais. Mais je trouvais quand même que ça avait de l'air bon. C'est l'affaire. C'est intéressant. C'est juste que... En tout cas, personnellement, ouais. Tout ce genre de RPG-là, je me tanne assez rapidement. Une fois que j'ai compris comment ça marche, je suis comme, bon, j'ai compris comment ça marche. Le reste, c'est d'attendre que les combats se terminent en auto-battle. Parce que non, c'est pas vrai que je vais faire les combats manuellement. C'est bien trop long, puis ça sert à rien. Ah oh ouais, en plus. C'est ça qui me gossait. Moi, j'étais comme, il faut que je... Pour progresser, il faut que je refasse les mêmes combats plein de fois, puis que je grind pour les levels. Je sais que je vais gagner. Pourquoi tu me fais pas gagner instantanément? Pourquoi il faut que je reste 30 secondes à regarder les bonhommes se taper dessus automatiquement? J'avoue que c'est un peu plate, ça. Quand je sais déjà que je vais gagner, fais juste me donner... T'sais, si t'es pour être une slot machine, sois une slot machine, mais sois pas une animation de une minute pour ensuite avoir une récompense de slot machine. Parce que on s'entend, c'est ça. Okay. C'est du random loot, puis le loot en a besoin pour progresser, puis il faut que tu combines du loot entre eux, puis il y a des raretés, puis des trucs plus rares, puis des moins rares, puis des bonhommes, puis des ci, puis des ça. C'est une slot machine. C'est différentes slot machines combinées une dans l'autre. Pour pas que tu te rendes compte que c'est une slot machine. Avec un front de RPG devant, mais t'as juste besoin de cliquer sur auto-combat, x3 la vitesse des animations, puis ils sont là comme super vite. Mais c'est quand même trop long parce que ça prend quand même une minute de faire les maudits combats. Non. Bon. Mon téléphone une review très, très a plus de choses importantes à faire que de rester allumé pour faire des combats automatiques. C'est du gaspillage d'électricité rendu là. Alors que le jeu des poulets, ben, tu joues une minute, puis là, tu le fermes, puis là, ça continue de jouer même si le jeu est fermé. Yeah. Même si techniquement, je suis arrivé en retard à job hier parce que j'ai joué au poulet pendant une heure de temps. Je suis arrivé à job, j'ai dit « Bon, Catherine, je suis en retard. Je jouais au poulet. » Elle a dit « Je comprends. » Ah, c'est le fun, ça. Avoir c'est correct, c'est pas ma lead. C'est pas ma lead, okay. Fait qu'elle s'en fout que je t'arrive en retard. OK. Ouais. On finit dessus tout le backlog que j'avais. Ben, je pense qu'on est rendu pas mal tard, par exemple. Ouais, ah, oh, c'est vrai. Je pense qu'on va te laisser du backlog pour la prochaine. Okay. Mais la semaine prochaine, on va être probablement ultra focus sur la rétrospective. De toute façon, ça peut être un mot de la fin, là. J'ai pas tant de choses à dire que ça là-dessus. Fait que... J'ai-tu un mot de la fin? Je n'ai pas de mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, c'était Egg, Ink, c'est bon. Ouais. Voilà, c'était mon mot de la fin. Anne-Marie, as-tu un mot de la fin? Oui, c'est ça. J'ai joué au jeu Candle. C'est rare que je joue à un jeu qui est récent, mais c'est sorti comme en novembre l'année passée. Puis on me l'a offert pour ma fête parce que j'avais mis dans ma wishlist. Fait que j'ai joué, puis c'est comme un petit puzzle platformer, tout classique, indie, tout cute, avec un super beau visuel. Puis t'es comme une espèce de petite créature préhistorique, puis t'as du feu, tu peux garder le feu dans ta main. C'est pour ça que tu t'appelles Candle. Puis ton chaman s'est fait kidnapper par d'une autre tribu préhistorique, pas fine. Fait que faut que tu résoudes des puzzles avec ta petite flamme pour aller rechercher ton chaman. Des griffes des gens de tribus pas fines. C'est juste tout joli, c'est des beaux petits graphiques pour son platformer classique. C'était pas mal fun. Pour les gens qui aiment le style, là, bien beau jeu. Non, c'est bien sûr. Sur cette... Est-ce qu'il vient avec des versions qui sentent bon? Non. Des chandelles parfumées. Pour prendre son bain. C'est très cool. Mais il est très cute, c'est très, très mignon. Il est comme un narrateur qui raconte ton histoire et tout. Puis, ouh! C'est bien joli. Il y a du budget. Je sais pas. Bonne question. Et bien sur ce, c'est ce qui termine pas mal cette émission de On a juste une vie. Mm-hmm. Sur un sujet relaxant tel que des chandelles qui sentent bon. qu'il faut s'imaginer que ça sent bon. C'est comme ça sent bon, mais juste dans ta tête. Ouais. Et si vous avez aimé ce genre de choses pendant 2 heures dans vos oreilles, pas juste dans votre nez, mm-hmm. vous pouvez vous abonner à On a juste une vie. On promet qu'on sent bon, nous autres aussi, oui. dans vos oreilles. Vos oreilles vont trouver que ça sent bon. Ah, ben oui. Et que, sauf quand on fait des jeux de mots poche, ça pue un peu le pet. Ben non. Peut-être un petit peu. Ça sent quelque chose de drôle, ça sent le pet de clown. Ça sent le pet de clown, ça sent drôle. Ça sent drôle, c'est ça. Alors, si vous voulez vous abonner à tous ces jeux de mots douteux et aussi pour ne pas manquer l'émission rétrospective de la semaine prochaine qui promet d'être beaucoup de choses, mais certainement pas une rétrospective conventionnelle parce qu'on a juste une vie, nos jeux de l'année, c'est pas les jeux de l'année de Kotaku. On va dire ça de même. Vous pouvez vous abonner sur iTunes et YouTube ou en allant sur onajustunevie.ca et trouver les liens vers notre Twitter et Facebook. On est aussi distribué sur l'entredugeek.net. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, vous écrivez dans le chat le jeudi soir. Vous écrivez sur notre Facebook ou notre Twitter. Ou vous nous envoyez un email. Tu sais, cette technologie archaïque qu'on utilise encore dans les milieux de travail. info@onajustunevie.ca. On va recevoir ça. On va le lire. Et on va probablement même le lire. En fait, on vous garantit qu'on va le lire en ondes, tellement qu'on n'en reçoit pas souvent. On se fait un plaisir de ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, si vous voulez nous partager vos jeux de l'année passée, comme ça, vous pouvez nous les envoyer, puis ben, peut-être qu'on va avoir le temps d'en plugger quelques-uns dans l'émission. Ça serait cool. Et sur ce, merci à Marie d'avoir été là. Merci. Il y avait beaucoup de monde dans le chat à soir. C'était, ben oui, c'était limite... ça nuisait à ma concentration pas mal. Ouais, parce qu'il faut s'en occuper en même temps qu'on parle. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est difficile. Hein. C'est... Ouais, là, ça parle de pète de clown McDo dans le chat. Avant ça, on a eu droit à mon frère qui voulait que je joue à Civ. Mm-hmm. On a eu avec lui ce soir. On a il eu voulait droit. Notre frère du chat. Du podcast, excuse. Ça a parlé du zombie et il y a eu beaucoup de fangirl de Hungry Cat Big Cross. Oui, je t'avais raconté. C'était un chat fructifiant ce soir. Alors, revenez-nous la semaine... Non, ça se dit sûrement pas. Revenez la semaine prochaine pour un autre chat fructifié. Fluité. Qui sent bon. Ouais. Parce que... on a juste une vie. Voilà. Quand je joue à Civ et que ça prend trop de temps à mon frère, là, je fais ça. Il y a mon micro, là. Puis là, je joue au poulet collé sur le micro. Oh. Puis là, ils sont comme, tu joues encore au poulet? Ça veut dire que c'est trop long!